Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Aujourd'hui, le Salon Noir se consacre à la capitale du monde, à son art. Rome à qui nous devons tout, Rome qui semble tout devoir à la Grèce et l'hellénisme. Que s'est-il donc passé à Rome au cours des deux derniers siècles avant notre ère? De ces temps qui s'achèvent non pas par la conquête de la Gaule, ni l'assassinat d'un dictateur, César, mais par le suicide de Cléopâtre il y a 2043 ans, à l'été 30 avant notre ère. Ceux qui ont traduit Plutarque, voire Cicéron, le savent probablement. Deux siècles majeurs où la capitale du monde vit un des moments clés de son histoire et dont dépend la compréhension de l'évolution de l'art, dont nous sommes tous probablement les héritiers. Pour nous parler de l'art romain, il nous fallait un archéologue, membre de la prestigieuse École française de Rome, un spécialiste de la Villa des Mystères et de bien d'autres chefs-d'œuvre, le professeur d'archéologie romaine de l'Université de Paris-Sorbonne, Gilles Sauron. Bonjour. Bonjour. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est un livre d'une grande érudition, L'art romain des conquêtes aux guerres civiles, publié aux éditions Picard, un ouvrage où vous croisez sources textuelles et iconographiques. Ma première question ne portera ni sur Rome, encore moins sur la Grèce, mais sur vous, Gilles Sauron. Les archéologues se sont souvent dissociés des historiens, des textes. Ils ont surtout délaissé l'esthétique au profit des historiens de l'art, deux univers très proches, mais totalement imperméables. Votre démarche semble bien différente ? Eh bien, l'histoire de l'art romain résulte de compétences extrêmement diverses, nécessite des compétences diverses, étant donné que nous sommes en présence d'une culture historique avec un très grand nombre de textes. Et moi-même, je me suis beaucoup occupé de Rome et aussi des sites vésuviens du golfe de Naples, qui étaient habités en partie par des membres de l'aristocratie romaine, que nous connaissons très bien, en particulier par leurs écrits. Et donc, pour moi, disons, il est naturel, en faisant de l'histoire de l'art romain, de faire converger toutes les disciplines, tous les moyens qui permettent de comprendre les œuvres. Ça, c'est propre aux spécialistes de l'archéologie romaine. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous ressentez en tant qu'archéologue ? Disons, l'archéologie, c'est la discipline qui, de toute façon, permet de mettre à jour tous les documents et en même temps très souvent de les situer dans le temps. Mais cela dit, la littérature joue un rôle au moins aussi important et aussi bien entendu le contexte historique qui nous est relativement bien connu pour les périodes dont il est question ici. Alors revenons à ces deux siècles, une période clé bien sûr de l'histoire romaine. Alors c'est une période assez étrange puisqu'elle a été extrêmement violente, puisqu'elle est marquée tout au long du IIe siècle avant notre ère par une série interminable de conquêtes et en fait de victoires romaines dans tous les secteurs de la Méditerranée, aussi bien en Occident avec les provinces espagnoles, gauloises, africaines qu'en Orient, l'Asie mineure, la Grèce et jusqu'au Proche-Orient. Et puis Carthage. Et pour finir, l'Égypte. Carthage, bien sûr. Carthage aussi. En Afrique. Oui, Carthage en Afrique, très important, bien sûr. Oui. Et par conséquent, et ensuite, une série non moins interminable de guerres civiles, au moins trois très importantes, mais il y en a eu même, si j'ose dire, des petites qui se sont intercalées. Aussi des guerres entre Rome et ses alliés, la guerre des esclaves avec Spartacus, la guerre contre les pirates. Donc une période extrêmement mouvementée, paradoxalement une période où l'art romain commence à naître vraiment, où les Romains sont de plus en plus conquis par la culture grecque et où, en plus, la littérature latine connaît une de ses périodes les plus importantes, avec des personnages comme Lucrèce, par exemple, ou Cicéron, qui continuent, disons, à régner en quelque sorte sur notre culture. La chronologie, il faut bien sûr l'évoquer. On n'est bien sûr pas dans les années 200 à 0. Quand on dit les deuxièmes siècles avant notre ère, j'imagine que la chronologie est quand même quelque plus floue. Disons que ce qui est important ici, c'est le processus, disons, de prise du monde grec par les Romains, qui commence en réalité surtout à la fin du IIIe siècle, avec la prise de Syracuse et la prise de Tarente, donc les grandes métropoles grecques de Grande Grèce, mais qui sont en Italie, disons-le, aujourd'hui. Qui sont aujourd'hui en Italie, oui. Et qui ensuite donc, se prolongent dans tout le courant du IIe puis du Ier siècle avant notre ère, par de nombreuses conquêtes plus lointaines, disons. En tout cas, à la fin de cette époque, que symbolisera le suicide de Cléopâtre ? La fin d'un monde grec, d'une emprise de l'hellénisme, pourrait-on dire, sur le monde ? Le suicide de Cléopâtre, c'est un double symbole sur le plan historique. Évidemment, c'est la fin de la dernière monarchie, qui avait pris la suite d'Alexandre le Grand. Donc c'est la fin de l'hégémonie, enfin non pas de l'hégémonie grecque, mais c'est la fin du pouvoir indépendant des puissances grecques. Sur le plan symbolique, la chute de Cléopâtre a une toute autre importance, puisqu'elle a été prise par le régime augustéen comme la fin non pas du monde grec, mais tout simplement de l'âge de fer, c'est-à-dire de toute une période de l'humanité très ancienne, et disons le retour de l'âge d'or. Donc la chute de Cléopâtre, le suicide de Cléopâtre en août 30 avant Jésus-Christ à Alexandrie a marqué véritablement la fin d'une époque et le début d'une époque assez différente. En tout cas, c'est la fin de l'hégémonie grecque, ce n'est pas la fin de l'hellénisme, ça on en est sûr. L'hellénisme a bien entendu continué, non seulement il a continué, mais il a continué avec les moyens colossaux que les Romains pouvaient mettre à son service. L'hellénisme a continué à se répandre. Pas seulement en Italie, évidemment, et à Rome, mais il a même continué à se répandre, se diffuser dans les populations orientales, aussi bien en Asie mineure qu'au Proche-Orient ou encore qu'en Égypte. L'hellénisme était loin, évidemment, d'avoir fini sa course. Et quand l'Empire romain a cessé en Occident, il s'est prolongé, évidemment, à Constantinople, du côté grec. Bien sûr. Gilles Seron, qu'est-ce que l'art romain avant ces deux derniers siècles avant notre ère ? Est-ce qu'il y en a ? Oui, bien sûr. Alors, mais les Romains, les choses ne sont pas si simples que ça, je crois. Oui, non, si. Enfin, les Romains avaient, disons, de nombreuses traditions qui s'étaient exprimées au fil des siècles, et en particulier dans les domaines de l'architecture religieuse. Ils avaient une architecture des temples qui étaient très particulières et qui s'est d'ailleurs diffusée en réalité même dans l'Orient grec, puisque les temples de Baalbek, par exemple, au Liban aujourd'hui, sont en réalité des temples romains qui ont naturellement, qui sont couverts d'ornements de tradition grecque. Il y a, et tout ceci était naturellement acquis quand commence la période qui nous intéresse ici. Il y avait des traditions dans le domaine privé, par exemple les portraits d'ancêtres en cire peinte, qui était une tradition qui s'est aussi maintenue tout au long de l'histoire de Rome. Il y avait des traditions religieuses qui modelaient l'urbanisme romain et qui ont eu donc une influence à l'échelle ensuite de l'Empire tout entier. Il y avait aussi des traditions dans le domaine des matériaux, par exemple l'utilisation massive de terre cuite ou encore de pierres stuquées. Tout ceci, c'était des traditions qui se sont maintenues ensuite. Alors, je prendrai l'année 212, un peu peut-être au hasard, parce qu'elle est près justement de 200. En tout cas, en 212 avant notre ère, Syracuse est prise. Syracuse, dont les œuvres d'art sont pillées et systématiquement pillées par Rome. Alors, Marcellus, l'auteur, disons, de la prise de la ville et le responsable du pillage, bien entendu, avait prétendu vouloir éduquer le regard romain à l'art grec. Il y a même une tradition qui souligne la douceur du personnage. Ce qui est certain, c'est que s'inaugure, disons, une triste tradition de pillage qui a eu des moments particulièrement violents, par exemple en Macédoine, quand Polémile s'est emparé de la capitale de la Macédoine, où il a systématiquement pillé l'ensemble de tout ce qu'il avait pu trouver dans les résidences royales. S'il y avait eu des prises électriques, il les aurait dévissées. Et Corinthe, c'est le butin, de fait. Hein. C'est le butin, c'est mais alors le butin poussé à l'extrême. On a même une description des œuvres d'art qui avaient été entassées sur un rivage grec avant d'être embarquées, un gigantesque bric-à-brac de richesse. Et puis il y a l'exemple très célèbre de Corinthe avec le fameux Mummius, ce général dont on nous dit qu'il aurait demandé à ses soldats de repeindre les tableaux s'il les avait abîmés. Enfin, c'est probablement une anecdote inventée, espérons-le. Mais Corinthe, qui est prise en 146 par Mummius, sera de nouveau pillée plus d'un siècle exactement plus tard par les colons de César, qui se sont mis à piller les tombes et qui ont fait un grand commerce des vases tirés des tombes, donc, qu'on appelait d'ailleurs les Nécro-Corinthia, et qui se sont vendus massivement à Rome, d'après la source que nous avons sur cette question. Alors en tout cas, c'est un véritable flux de chefs-d'œuvre qui inonde Rome. Mithridate aura un très beau mot pour désigner les Romains, les pilleurs des peuples. C'est beau ? Oui, le terme, à dire vrai, c'est une expression que nous devons à Salluste, l'historien de l'époque de ce qu'on appelle le Triumvirat, donc au lendemain de l'assassinat de César, qui fait parler ainsi Mithridate. Mais effectivement, il faut comprendre que dans cette période du IIe siècle avant notre ère, il y a eu un transfert massif d'œuvres d'art entre la Grèce, notamment, et l'Italie, dont témoignent les textes, certes, mais aussi des naufrages de navires bourrés d'œuvres d'art. Et on peut penser en particulier au navire qui a sombré au large de l'île d'Anticythère et qui a fait l'objet récemment, l'année dernière, d'une exposition au Musée national d'Athènes, ou encore le navire qui a été découvert au large des côtes tunisiennes, près de la localité de Madia, qui a fait l'objet en 1994 d'une grande exposition à Bonn, et aussi de naufrages d'ailleurs qui sont mentionnés par les textes. Donc les témoignages ne manquent pas sur ce gigantesque transfert d'œuvres qui a fait que Rome est devenue le premier musée de l'art grec dès le courant du IIe siècle avant notre ère. Oui, Paul Émile, en 168 avant notre ère, rapporte par exemple à une Athéna en bronze de Phidias. Ce n'est quand même pas rien. En tout cas, la maison du Faune à Pompéi posséderait encore les traces de ce pillage ? Alors, c'est une hypothèse qui a été soutenue et qui me paraît la bonne. Donc, je l'expose en détail dans le livre. Puisqu'on a retrouvé dans cette très luxueuse maison du IIe siècle avant Jésus-Christ de Pompéi une collection de mosaïques, et en particulier une très grande mosaïque représentant une victoire d'Alexandre le Grand sur le roi perse Darius. Et cette mosaïque a manifestement été abîmée, probablement par un transport. Et on peut supposer que le personnage qui la possédait l'avait prise au cours des conquêtes, notamment de la Macédoine. Peut-être s'agissait-il d'un officier de l'armée de Polémile qui appartenait au contingent samnite, c'est-à-dire de la population à laquelle appartenaient les gens de Pompéi à cette époque. Et ces contingents samnites ont joué un très grand rôle dans les conquêtes romaines. Et donc, oui. Cette très belle mosaïque, en plus son thème, la victoire d'Alexandre, il me paraît très peu pensable que ce soit un personnage de cette époque qui l'ait fait faire sur place, et plus probablement que cette mosaïque est venue de l'extérieur. Et pour vous, elle viendrait forcément du palais de Persée à Pella ? C'est l'hypothèse que je propose, mais ça n'est qu'une hypothèse, mais qui, je le répète, est assez vraisemblable, car on voit mal comment un personnage appartenant à une population alliée des Romains qui a participé aux conquêtes aurait pu commander une mosaïque célébrant une victoire de l'adversaire qui venait de vaincre. Donc ça paraît totalement impensable. Et il y a aussi des arguments techniques, l'état de la mosaïque, qui permettent de penser qu'elle a été transportée. L'histoire que vous nous contez est bien entendu celle d'une rencontre, la rencontre de deux cultures que l'on pourrait juger antagonistes, puisque l'une serait à l'art, ce que l'autre serait à la guerre. C'est ce que dit Virgile en particulier. Bien sûr. Respecter les soumis, désarmer les superbes. C'est une belle phrase. Belle phrase, mais qui effectivement opposerait, disons, un peuple qui est fait pour la guerre, qui est fait pour la domination, et à un peuple qui, comme il dit, n'est-ce pas, se travaille pour la gloire avec le développement des arts, de la littérature, de l'architecture, etc. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Gilles Seron, que vous êtes professeur d'archéologie romaine à l'Université de Paris-Sorbonne et que nous évoquons l'art romain des deux derniers siècles avant notre ère. Rome, bien sûr, donc devient un véritable musée d'art grec, mais reste-t-il beaucoup aujourd'hui de ces œuvres anciennes ? Rome, bien sûr, a été détruite. Il reste beaucoup d'œuvres d'art, un certain nombre d'œuvres d'art grec original qui ont été transférés à Rome. Il faut dire à ce propos que notre connaissance s'est beaucoup développée grâce aux travaux de notre collègue romain Filippo Coarelli, qui a réussi à faire revivre en quelque sorte ses œuvres en identifiant des originaux grecs du IIe siècle avant notre ère dans les collections romaines. Et on a en particulier retrouver les traces d'un atelier connu par les textes et par les inscriptions, l'atelier dit de Timarchides, qui était un sculpteur grec. Et cet atelier de Timarchides est connu sur 3 générations au IIe siècle avant notre ère. Et d'ailleurs, on identifie de plus en plus d'œuvres de Timarchides, probablement avec un certain arbitraire. Mais enfin, il est certain qu'il y a en effet des témoignages d'œuvres importées à Rome ou travaillées à Rome à cette époque. En tout cas, avec tout cet apport, doit-on voir une acculturation de Rome ou un enrichissement ? Alors, vous pouvez me dire que l'acculturation, c'est un enrichissement, mais oui, bon. Le thème de l'acculturation a été évoqué, à l'époque, par la fameuse figure de Caton l'Ancien, dit le censeur, ou l'ancien censeur, qui avait même, menacé les Romains de voir leur civilisation disparaître s'ils se livraient sans réserve à la culture grecque. Mais en réalité, on assiste à un phénomène qui est que les Romains ont, délibérément adopté beaucoup de coutumes grecques, se sont passionnés pour l'art grec, la littérature grecque, la philosophie grecque. Et on voit même d'ailleurs à l'époque que les maisons se divisent presque en 2 parties. Une partie publique qui conserve les traditions romaines, une partie privée autour des péristyles qui, au contraire, étaient, presque entièrement livrées à l'art grec et aux pratiques de la culture grecque, avec d'ailleurs des noms qui nous sont donnés par Vitruve, Varron, d'autres auteurs, et qui montrent que les espaces eux-mêmes portaient des noms grecs dans ces maisons romaines. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on achemine des artistes, et des artistes grecs vont s'implanter, bien sûr, en Italie. Oui, donc j'ai cité Timarchides, l'atelier de Timarchides, qui lui donc, est un exemple d'activité d'artiste à Rome même. Donc vous m'aviez posé la question sur la présence d'originaux transférés. En réalité, ils sont très difficiles à identifier. On en a identifié quelques-uns, en particulier le fameux fronton du temple d'Apollon au sud du Champ de Mars, qui avait été reconstitué par notre collègue Eugenio La Rocca. Mais il y a surtout la présence des artistes grecs. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le IIe siècle avant notre ère est une période, de transformation, de changement. C'est-à-dire qu'au début, il y a surtout des œuvres importées, mais de plus en plus des artistes, ce qui rend les choses très difficiles. Il est très difficile de discerner ce qui est œuvre importée de réalisation d'artistes grecs sur place. Justement, Gilles Seron, quelquefois, il y a des choses très troublantes. Il y a, par exemple, des ressemblances frappantes. Je pense à la tête de la Fortuna de Rome et à celle de l'Athéna d'Athènes. Elles sont quasi similaires. Oui, tout simplement parce qu'elles sont réalisées par des artistes grecs de la même génération, l'un travaillant à Athènes et l'autre travaillant au même moment, à Rome. Et Et alors, l'explication est assez simple, c'est le fait que l'Italie était devenue le plus grand marché de l'art, le plus riche, et donc les artistes, tout simplement, se transféraient d'eux-mêmes, en quelque sorte, avec leurs ateliers, puisqu'ils allaient vers les commandes, commandes dont ils étaient de plus en plus privés en Grèce et dont ils étaient de plus en plus sollicités à Rome. On parle désormais d'art néo-attique, c'est bien ça ? Alors, l'art néo-attique, en réalité, désigne la production des sculpteurs, enfin surtout des sculpteurs athéniens, mais pas que des sculpteurs. Il y avait aussi des œuvres d'orfèvrerie, il y avait des artistes athéniens orfèvres, il y avait aussi les tapisseries, il y avait toutes sortes d'objets. Mais disons qu'on utilise le terme surtout pour les sculpteurs parce qu'on s'aperçoit qu'à partir du IIe siècle avant notre ère et jusqu'à Auguste, jusqu'à la fin du 1er siècle avant notre ère, eh bien, il y a énormément de sculpteurs qui signent des œuvres en précisant leur origine athénienne. Donc, en réalité, ce qu'on appelle l'art néo-attique est surtout, correspond à la renaissance des ateliers athéniens, probablement sous l'influence des commandes massives qui étaient faites à partir de Rome et de l'Italie, soit d'ailleurs pour des statues, soit pour des œuvres, purement décoratives. Gilles Sauron, un bon exemple, ce serait peut-être de cet art, bien sûr, ce serait peut-être Oreste et Électre, qui d'ailleurs illustre la page du site internet du Salon Noir. Alors, Oreste et Électre est un bel exemple de cette production néo-attique. En plus, nous savons qu'elle a été réalisée par un artiste grec qui était un affranchi d'une famille romaine extrêmement riche, qui pratiquait à la fois l'exploitation des carrières de marbre et qui en même temps pratiquait la production d'œuvres sculptées, la famille des Cossuti, et qui est bien connue à cette époque. Et par ailleurs, ce qu'on peut dire de cet Oreste et Électre, ce groupe très, très beau, disons, c'est qu'en même temps, il traduit la capacité des artistes de cette époque, des sculpteurs grecs, à faire revivre les anciens styles et même à mélanger les styles de l'histoire de la sculpture grecque, à pratiquer une sorte d'éclectisme qui est tout à fait remarquable à cette époque. J'ajoute que les thèmes homériques étaient très en faveur chez les Romains et ceci correspond d'ailleurs à un climat intellectuel où l'aristocratie romaine connaissait par cœur les textes homériques et les tragédies grecques et même s'identifiait aux différents personnages qui en faisaient partie. À quel moment, si cela est possible, bien sûr, cet art grec devient-il réellement romain, Gilles Sauron ? Ça, c'est une question très difficile. Disons que ce qui est certain, c'est que les Romains se sont assimilés les modes d'expression de l'art grec, et aussi de la littérature grecque, bien entendu, mais de l'art grec. Et ils ont été les auteurs de commandes, soit dans le domaine public, soit dans le domaine privé, où ils pesaient beaucoup sur les contenus de ce qui devait être réalisé. Et c'est vrai notamment dans l'art ornemental, mais c'est vrai en général. Et donc, disons que l'art romain est un peu né progressivement de cette importance prise dans les commandes issues des milieux romains à l'adresse des praticiens grecs, si on peut dire. Donc c'est une espèce de rencontre entre une volonté de voir des créations imaginées en quelque sorte ou commandées par les Romains et les artisans grecs qui les réalisaient. En tout cas, l'art romain, ce serait l'art du portrait, portrait d'ancêtres, d'empereurs, Crassus, Pompée, César bien sûr, conservé à Turin, le tout visiblement d'un très grand réalisme. Alors on a souvent considéré, c'était là disons depuis il y a à peu près un siècle, on considérait que le portrait romain était par excellence justement l'art romain par excellence, la partie de l'art qui était en propre romain. Et ceci est dû en grande partie au fait que, effectivement, les Romains avaient déjà des traditions. Donc, j'ai parlé des portraits d'ancêtres en cire peinte, qui étaient naturellement extrêmement ressemblants au modèle par définition. Et d'autre part, on assiste en effet à la multiplication des portraits sculptés avec, deux types assez différents à la fin de la République. D'une part, des portraits qu'on appelle véristes, qui représentent les personnages avec la vieillesse, très ridés, avec des traits de laideur et de maladie, etc. Et d'autre part, des portraits plus réalistes, ressemblants, mais sans insister sur les défauts. mais qui essaye de traduire le caractère du personnage. Donc on a à Rome une passion pour le portrait, avec probablement d'ailleurs des choix, disons, stylistiques, et que notre collègue Paul Zanker en Allemagne a mis en rapport avec les milieux sociaux. C'est-à-dire qu'il a estimé que les portraits, disons, représentant des personnages très âgés seraient plutôt des portraits de nouveaux citoyens, d'anciens esclaves, etc. Alors que les portraits réalistes seraient au contraire des portraits émanant de l'aristocratie romaine qui, justement, imiter en quelque sorte l'art grec. En tout cas, désormais, Rome rivalise avec le monde qu'elle domine. L'art se porte, bien sûr, sur les décors publics, sur les décors privés. Alors, les décors publics ont beaucoup changé pendant cette période, et en particulier, la région de Rome, le Latium, est devenue extrêmement riche en monuments spectaculaires, les plus spectaculaires qu'on puisse voir aujourd'hui, disons à peu près visible, c'est par exemple le grand temple d'Hercule à Tivoli, c'est aussi le Hercule Victor à Tivoli. Ou le Capitole de Rome, non ? Alors le Capitole de Rome n'est plus visible, mais on voit quand même l'énorme soubassement du palais sénatorial construit par Michel-Ange, donc au flanc du Capitole, cet énorme soubassement date de cette époque. Et puis c'est bien sûr aussi les enduits peints. Les enduits peints, je sais qu'Alix Barbet, spécialiste du thème, nous écoute, donc je serai prudent. Je lui dis bonjour. En tout cas, il y a des styles pompéiens. C'est l'invention donc de deux styles. Le deuxième apparaît vers -100 et est très nouveau, illusionniste, pourrait-on dire ? Alors, ce qui est frappant dans les décors privés en général, c'est que les Romains ont voulu absolument s'entourer de décors très riches et, je dirais, aussi de décors signifiants. Et ils ont développé ces décors non seulement dans les maisons, dans les villes, mais aussi dans les villas à la campagne, ces villas dont la partie résidentielle a pris des proportions gigantesques. Un personnage comme Lucullus, qui avait beaucoup de villas, disait « Mais moi, je suis comme les oiseaux, je migre avec les saisons. » Donc, ces résidences se sont multipliées. Effectivement, la peinture a joué un très grand rôle. Alors, on assiste très curieusement à l'extrême fin du IIe siècle avant notre ère à l'apparition de peintures à fresques. Et cette apparition très brutale, j'essaye de l'expliquer, donc, a probablement été due à une initiative au sein même de l'aristocratie romaine. Et peut-être, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, de la part d'un personnage qui a voulu imiter Alcibiade, qui le premier dans l'histoire a fait peindre de sa maison, si vous voulez, par un peintre qu'il y avait enfermé. Gilles Soron, je vous coupe. Le poète latin Horace l'a écrit. « La Grèce domptée subjuga ses farouches vainqueurs et fit entrer César dans le Latium sauvage. Les Romains furent-ils réellement vaincus par les Grecs sur le terrain culturel ?» En quelques mots. Oui. Bien, puisque nous arrivons à la conclusion de ce bref échange, disons qu'il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu dans cette opération. Et il est certain, je répète, que les Romains se sont en quelque sorte emparés, assimilés les modes d'expression grecs dans tous les domaines, littéraires et autres, mais aussi dans le domaine artistique. Et donc l'hellénisme n'a pas eu finalement de meilleurs disciples que les Romains, qui ont, grâce à ces modes d'expression, grâce aussi à leur volonté de transformer le décor autour d'eux-mêmes, et même, c'est l'ambition d'Auguste, de transfigurer littéralement le décor du monde, eh bien l'hellénisme a trouvé une seconde vie, en quelque sorte, grâce à cette volonté qui était une volonté politique, qui était liée en effet à cette volonté de dominer, mais aussi de transformer Gilles le monde. Gilles Soron, merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de publier L'art romain aux éditions Picard. Mardi prochain à 15h30, Yves Coppens sera mon invité, l'occasion de faire et de commenter l'actualité, bien sûr, de la préhistoire. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Bruno Gagnère-Fontani, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr, où vous retrouvez plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.